Chapitre 17. Réflexion. N'as-tu pas remarqué, Nadali, que Rayon d'or avait un air bizarre et comme embarrassé en me disant que je le récompenserais? Oui, il doit avoir une arrière-pensée. Je le crois. Mais laquelle? Je ne la devine pas. Nadali, avec un soupir. Je devine, moi. Il veut se marier avec vous. Et le sourcil froncé, l'œil plein d'éclairs, avec un geste énergique. Pour ça, jamais. Nadali ne dit plus mot, mais elle se plongea dans un océan de réflexion. Ni elle ni sa maîtresse ne desserrèrent les dents jusqu'au village. On juge de la joie des Sioux en les revoyant saines et sauves. Sur leur demande, le conseil s'assembla, mais Mademoiselle de Pellouer avait parlé au sorcier et l'avait chargé d'être leur avocat. Il gagna son procès. À l'unanimité, les guerriers déclarèrent que les jeunes filles étaient libres. Elles restèrent au village, mais en amies.